Chapitre 3e. Je descendis rapidement l'escalier et je courus chez M. Plotin qui demeurait rue de Vaugirard, sur la frontière du jardin du Luxembourg, au second étage d'une grande et vieille maison. Les fenêtres de son appartement s'ouvraient sur le jardin et l'on voyait de loin, entre les arbres, la coupole de l'observatoire. Une vieille femme, fort laide, et assez grognon, vint m'ouvrir la porte et me demanda de l'air du monde le moins caressant à qui j'avais affaire. Si par l'accueil des domestiques on peut juger de celui des maîtres, j'eus lieu de craindre que M. Plotin, tout philosophe qu'il était, ne fût pas le plus aimable des hommes. Cependant, après que j'eus décliné mon nom et affirmé que j'étais attendu, elle consentit à m'introduire. Le grand homme était debout devant sa fenêtre et se faisait la barbe. « Qui est là ?» dit-il d'un ton peu rassurant pour le nouveau venu. « Monsieur, répliqua d'une voix aigre la vieille femme, c'est un monsieur qui dit que vous l'attendez. « Qui, moi, je n'attends personne ?» cria M. Plotin. « Dites à ce monsieur que je travaille, que je n'ai pas le temps de le recevoir aujourd'hui, qu'il revienne un autre jour. » Cette réponse, que j'entendais fort distinctement, me glaça le cœur. Faites attention que j'étais jeune, timide, sans expérience, que je respectais d'avance et vénérais à l'égal d'un demi-dieu ce grand homme dont j'allais devenir le secrétaire. Et enfin, souvenez-vous que je comptais sur lui pour vivre et faire vivre ma mère et ma cousine. La vieille femme revint vers moi et me dit « Monsieur a répondu qu'il ne vous connaissait pas et qu'il faudrait revenir un autre jour. « S'il ne me connaît pas, dis-je à mon tour, présentez-lui ma carte. » Et au bas de mon nom, j'écrivis « De la part de Monsieur C.H. Aubray, professeur de philosophie. » La vieille femme rentra en grognant dans la chambre. « Eh bien quoi, qu'est-ce encore ?» demanda le grand homme. « Est-ce qu'on ne peut pas faire sa barbe en paix ? Anastasie, que me voulez-vous ? » « Monsieur, dit Anastasie, ce jeune homme insiste, il m'a prié de vous présenter sa carte. »« Que le diable l'emporte !» s'écria M. Plotin, irrité. « Voyons donc la carte de ce seigneur qui ne veut pas me laisser en paix. »« Gaston Phébus Cahorzac. Ah ! C'est ce jeune homme dont on m'a parlé. Voyons qu'il entre, puisqu'il va entrer à toute force. » J'entrai donc, mais fort inquiet, comme on peut croire, de l'accueil qui m'était réservé. La suite de l'entrevue ne démentit pas le commencement. M. Plotin se faisait la barbe, comme je l'ai dit. La joue droite était à demi rasée. La gauche était barbouillée de savon aussi bien que le nez. Lui-même était en manche de chemise, sans paletot et sans gilet, et relevait de la main gauche l'extrémité de son nez pendant que la main droite promenait le rasoir au-dessus de la lèvre supérieure. C'est dans cette attitude pleine de naturel que je l'aperçus pour la première fois. « Approchez, monsieur Cahorzac, je suis un peu pressé, et nous ne pourrons pas causer beaucoup aujourd'hui car je vais dans un instant à l'Institut, où l'on m'attend, et de là chez madame la duchesse de Northland, où je dois dîner avec Lord Abercorn et le duc d'Exeter. Aubarey m'a parlé de vous. Vous avez fait de bonnes études, à ce qu'il m'a dit. Mais vous n'avez pas encore beaucoup de lecture. Connaissez-vous Sanconiaton ? De réputation, oui, monsieur. Ah, seulement de réputation. Et Bérose, le Chaldéen ? Pas beaucoup, n'est-ce pas ? Mais au moins vous avez lu les poèmes de Ferdousi. Non, pas encore. Allons, je vois que vous êtes un peu plus novice que je ne l'avais cru d'abord. C'est un malheur. Que pensez-vous de Jean Blic ? Rien. Et de Scott Erigène ? Rien encore. Mais vous n'avez donc rien lu ? Et que dites-vous de saint Thomas d'Aquin ? Que c'était un grand docteur. Oui, sans doute, mais que pensez-vous de sa doctrine ? Moi, je préfère Thomassin. Ce n'est pas une imagination aussi haute, aussi vaste, aussi profonde, mais c'est une logique bien supérieure. L'un plane dans l'éther comme l'aigle, mais l'autre trace lentement son sillon, lentement et sûrement. La logique, mon ami, la logique, c'est le phare de l'humanité. C'est la colonne de feu qui a guidé les Hébreux au désert. C'est l'étoile polaire des métaphysiciens. Au moins, vous avez lu Kant. La critique de la raison pure, oui, monsieur. Un grand homme, ce Kant. Un divin génie, cet Emmanuel. Le moule de ces hommes est cassé, du moins en Allemagne, ajouta-t-il en se reprenant avec un secret retour sur lui-même. Savez-vous qu'Emmanuel Kant a vécu 60 ans à Königsberg ? Oui. 60 ans sans mettre le pied hors de sa patrie et de son université. Savez-vous qu'il n'a jamais fait qu'une promenade par jour, toujours la même et sur les mêmes tilleuls ? Savez-vous qu'il se levait tous les jours à la même heure, déjeunait à la même heure, buvait tous les jours la même quantité de café au lait, qu'il écrivait et parlait aux mêmes heures, qu'il mettait tous les matins la même perruque et l'ôtait tous les soirs pour la remplacer par le même bonnet de coton? Savez-vous qu'il n'a vécu que pour la philosophie, qu'il n'a connu ni l'amour, ni l'ambition, ni l'avarice? Oui, je le répète, le moule de ces hommes est cassé. Effectivement, M. Plotin n'était pas homme à ne connaître ni l'ambition, ni l'avarice. Quant à l'amour, si la chronique est aussi véridique qu'indiscrète, mais pourquoi révéler les faiblesses d'une grande âme? Tout en parlant, il avait fini de se raser et remettait sa cravate. Voilà, continua-t-il, les modèles qu'il faut se proposer, Descartes, Kant, Newton. Quel homme, ce Newton! À l'âge de 80 ans, on pouvait faire de lui le même éloge que de Jeanne d'Arc. Il n'aimait que les binômes et les sections coniques. Bien supérieur en cela à Pascal, qui aima Mademoiselle de Rohan et... Aussi était-elle duchesse, ou sœur d'un duc, ce qui revient au même. Ah! Dit-il en baissant la voix et se parlant à lui-même, les duchesses. Voilà l'écueil des plus grands cœurs. À propos, continua-t-il, en cherchant son gilet, vous savez ce que j'attends de vous. Auberet m'a dit que vous saviez très bien l'allemand, le grec et l'anglais. Il faudra que vous me traduisiez deux ou trois volumes allemands que je vais vous indiquer. Connaissez-vous le docteur Karl Weichhauser de l'université de Jena? Il a fait sur les origines du Zen d'Avesta un commentaire en trois volumes que je vous recommande de lire avec soin, et d'analyser chapitre par chapitre en traduisant ça et là les passages les plus importants. Je vais vous donner un billet pour le bibliothécaire de l'Institut qui vous remettra cet ouvrage. Vous m'apporterez demain matin l'analyse du premier volume. N'oubliez pas, chapitre par chapitre. Je suppose, dit-il encore, que vous connaissez les conditions de votre entrée. Vous viendrez tous les matins à 8 heures, vous irez déjeuner à midi, vous rentrerez à 1 heure, et vous pourrez aller dîner à 5 heures. S'il arrive que le travail soit un peu pressé, et qu'il soit nécessaire de mettre les morceaux doubles, je suppose que vous ne refuserez pas d'emporter vos livres chez vous et de travailler un peu dans la soirée. Mais cela n'arrivera que rarement. Je sais que les jeunes gens ont besoin de distraction. Vos appointements ne seront pas très élevés, mais l'homme qui travaille n'a pas besoin d'argent. Au reste, je vous donnerai ce que j'ai reçu moi-même au commencement de ma carrière, et vous voyez que ça ne m'a pas empêché de faire mon chemin. J'avoue que cette partie de son discours m'intéressait beaucoup plus que tout ce qu'il avait dit de la chasteté de Newton et des habitudes régulières de Kant. « Oui, dit négligemment M. Plotin, 800 francs ne sont pas une forte somme et il n'y a pas là de quoi mener les violons, mais... » « Mais, répliquai-je assez timidement, il me semblait que M. Auberet m'avait parlé de 1200 francs. »« 1200 francs ?» s'écria le grand homme d'un air indigné. « 1200 francs ?» « Et où voulez-vous, mon cher, que je les prenne ?»« Dans la caisse de l'État, aurais-je pu répondre, car ces divers traitements ne s'élevaient pas à moins de 80 000 francs par an. » Mais je crus pouvoir faire observer que la parole de M. Auberet... « Auberet, Auberet !» dit M. Plotin. « Auberet se sera trompé. Il aura mal entendu, ou mal répété ce que je lui ai dit, ou plutôt. Car je m'en souviens à présent, non, il n'a pas mal entendu ni mal répété. » Mais Auberet croyait sans doute que vous connaissez Jean Blic, Bérose, Sancognaton, Ferdouzi. Vous ne les connaissez pas. Il faut étudier, mon cher. Au reste, si ces 800 francs ne vous suffisent pas, il n'y a rien de fait. Vous pouvez vous retirer. Et quoique Auberet se soit engagé pour vous, je vous rends votre parole. C'est justement ce que je craignais. Comment revenir à la maison et raconter ma déconvenue à ma mère et à Laure? 400 francs de moins, sans doute, c'était beaucoup dans un budget aussi mince que le nôtre. Mais je n'avais le choix qu'entre les 800 francs et rien. Le temps pressait. Trouverais-je une autre occupation et d'ailleurs? Ne pouvais-je pas, en me levant à 5 heures du matin, en me couchant à minuit, travailler pour moi-même et gagner quelque argent? Je fis ces réflexions en 2 secondes, et sans hésiter, je subis les conditions de M. Plotin. Il parut satisfait de ma promptitude, et pour juger tout de suite de ma capacité, il me mit entre les mains un volume des œuvres de Schelling et me pria de traduire le texte allemand en français, et que je fis avec la plus grande facilité et comme si j'avais lu une tragédie de Racine. « C'est bien, » dit-il, « c'est très bien. Aubaret ne m'avait pas trompé, et je vois que nous ferons, vous et moi, de bonnes besognes. Mon cher, c'est un vrai bonheur d'être tombé dans mes mains. Il est vrai que vous travaillerez beaucoup et que vous ne ferez pas fortune, mais je vous formerai, je vous dirigerai, et même, si vous répondez à mon attente, j'aurai soin de votre avenir. La pauvreté est nécessaire aux jeunes gens comme l'éperon aux chevaux. C'est elle qui les excite, qui les aiguillonne, et qui leur souffle les grandes pensées. Un homme qui est riche en naissant ne vaudra jamais rien. Tout en parlant, il griffonnait un billet à l'adresse du bibliothécaire de l'Institut, le priait de remettre en son nom et pour lui, au porteur de ce billet, l'ouvrage du docteur Karbeckhauser sur les origines du Zen d'Avesta. Je pris avec respect l'autographe, je saluai le grand homme, j'allai droit à la bibliothèque de l'Institut, je me fis remettre les trois volumes et je rentrai chez ma mère avec la gaieté d'un homme qui est sûr de gagner par moi l'immense, splendide et miraculeuse somme de 66 francs 66 centimes. Ma mère écouta en riant le récit de ma mésaventure. Chère âme, elle riait toujours de tout, et je ne crois pas qu'elle se soit mise en colère une fois en sa vie. Eh bien, dit-elle, Gaston Phoebus gardera un peu plus longtemps son paletot, que je voulais remplacer le mois prochain, car il rit au coude. Ce n'est qu'une mauvaise année à passer. L'an prochain, Gaston Phoebus aura 20 ans. Il se sera fait connaître, et il trouvera quelque chose de mieux que le poste de secrétaire traducteur aux gages de M. Plotin. « Et moi, dit Laure à son tour, ne suis-je bonne à rien? Et si Gaston Phoebus retrouve les origines du Zen d'Avesta, ne puis-je pas peindre des tasses et des soucoupes? Bien dit, répliqua ma mère. Laure est une brave enfant qui travaillera comme nous. Mes leçons de musique me donneront bien aussi quelque argent, et nous allons amasser des trésors. Allons, pour commencer, mon pauvre Gaston Phoebus, va faire l'analyse du docteur Karbeckhauser.